La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous avec 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confie le travail à des pros. Les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Les électriciens du Nord incorporés qui soulignent le mois de l'arbre et de la forêt. Les jeunes, semble-t-il que selon lui, ben, le projet de déconfinement ne va pas assez loin. Il parlait évidemment pour les équipes, les jeunes qui ça donne au baseball et au soccer sûrement, et on parle avec le président des Capitales de Québec, Michel Laplante. Salut Michel! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Michel, t'as fait toute une sortie la semaine dernière. As-tu entendu parler de ta sortie depuis ce temps-là? Ben en fait, ouais, une sortie, en fait, c'est un cri du cœur. Je suis au-delà des Capitales, je suis toujours resté impliqué là, au niveau des programmes sport-études, au niveau de la Fédération de baseball aussi, puis moi, le son de cloche que j'ai de la part de nos adolescents, de la part de la tranche de 25 ans et moins, je trouve ça alarmant. Donc, en fait, ce que je tenais à dire, c'est ce que moi je ressentais puis que je voyais sur le terrain. De penser que c'est correct, on arrête l'école secondaire, on arrête tout ça. Puis quand on parle de sport, de regroupement pour le sport, moi je parle pas de brûler là, des calories, puis c'est pas à ce niveau-là. Là. Je veux dire, ça, on peut trouver une façon, mais de se rejoindre, de socialiser, ouais. D'avoir un sentiment d'appartenance avec des jeunes, avec une équipe, c'est souvent la différence. Un coach qui te dit « Hey, salut, comment ça va, toi? » Puis tu dis « Ah, ça va bien. » Puis il s'aperçoit que ça va moyennement bien, puis qu'il fait juste te donner un mot d'encouragement à la fin d'une pratique, à la fin d'une rencontre. Ça peut changer des vies, ça peut changer une perspective pour un jeune. Et je trouve ça très, très, très dangereux. Sans preuve scientifique, seulement de ce que je vois dans mon entourage, je trouve ça très dangereux que ce soit si peu considéré. Je pense que ça s'est élevé beaucoup en fin de semaine. On a vu beaucoup plus de pédiatres intervenir, puis de parler de l'effet de tout ça. Donc, c'est bien beau dire aux jeunes, ben oui, mais trouvez-vous quelque chose d'autre à faire? Ouais. Je pense pas que ce soit la façon. Puis je pense qu'on les mitraille assez, nos jeunes, là, depuis quelques années, en lui disant que la planète est en train de se réchauffer, qu'il n'y a pas d'avenir, puis que là, ça se peut qu'on trouve pas de vaccin à tout ça, puis ça va durer des années. Je pense pas que ce soit le message d'encouragement qu'on veut véhiculer. On a passé, nous autres, les plus vieux, à travers plein de choses dans notre vie, à travers plein de choses qu'on disait qu'elle allait arriver. Et finalement, on s'en est toujours sorti. Puis je pense que c'est ce qu'on a vécu qu'on doit rapporter à nos jeunes, de dire, écoutez, il va y avoir cette séquence-là, mais tout va aller mieux après, puis tout va être correct. Je pense qu'on devrait accentuer beaucoup plus sur ce genre de message-là. Je suis tellement d'accord avec toi, Michel. Surtout que quand on regarde ce qui se passe actuellement, on regarde au début la COVID, c'était très, très épeurant. Mais là, on apprend de plus en plus. Puis ce qu'on apprend, c'est que les jeunes, ben, quelque part, les jeunes sont très peu à risque. Puis si on veut immuniser les gens face à la COVID, ben quelque part, faut que les jeunes sortent, faut que le monde sorte. Pour t'en sortir, c'est ça, là. En fait, les jeunes sont très peu à risque. Et s'ils l'étaient un peu plus, il faudrait quand même mesurer entre le risque de la COVID versus le risque du confinement. Ouais. Comme je dis, statistiquement, c'est une statistique qui est très, très dure à tenir, de dire ça vient faire mal à combien de jeunes de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir échanger. Et on est à la mode de dire « Ah, mais tout se fait par ordinateur, c'est pas vrai. » De s'asseoir avec un jeune puis de dire « Comment ça va? » Puis de voir devant soi son langage corporel. Tu sais, un texto, un email, c'est pas vrai qu'on sent toute la lourdeur que quelqu'un peut ressentir. Puis on est en train de dire « Oui, tout se fait comme ça. » Moi, personnellement, j'ai pas cette philosophie-là. Je crois pas à ça. Je crois que les gens doivent continuer de se voir un jour et de penser que ça peut tout passer par un fil d'ordinateur. Je suis pas complètement convaincu de ça. Il va falloir que les relations reviennent, de penser que c'est important de se regarder directement dans les yeux pour quand la personne te dit ça va bien, ben de vraiment être capable de comprendre si ça va vraiment bien ou pas. Et est-ce que tu penses que hier le Arruda, Horacio Arruda et François Legault ont exprimé évidemment, ont dit qu'ils étaient d'accord, mais ça semblait être des vieux pieux. Il va falloir que ça bouge ces prochaines semaines. Mais je pense qu'ils ont l'intention de le faire. À leur défense, là, je pense que c'est des gens qui le voient bien. Je pense qu'ils sont. Il y avait besoin d'entendre les spécialistes, les pédiatres, les médecins parler sur cet effet-là. Je pense que ça a été entendu. On le sent dans les propos des deux. Maintenant, de quelle façon ça se fait? Mais j'ai vraiment l'impression que dans les deux, trois prochaines semaines, on va considérer plus les effets collatéraux de tout ça. Et comme je dis, moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Les jeunes vont pas à l'école pour parler de leurs problèmes à leurs amis, de voir qu'est-ce qu'ils souffrent puis tout ça. Puis je trouve que c'est un terrain qui peut être très glissant. OK. Parce que c'était supposé de durer quelques semaines. T'as pas supposé de durer quelques mois, là. Faut s'en remettre à ça, là. Faut s'en remettre au... Oui, effectivement, mais c'est global. C'est à la grandeur du monde. Donc, n'importe qui s'aventure un peu trop loin pour aller dans sa propre voie, c'est toujours un peu risqué de le faire. Donc, au niveau des politiciens puis des gens de la santé, je respecte qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire. Maintenant, c'est de s'ajuster. Ce sont des coachs pour nous autres, puis le coach, ben, il doit regarder la game qui est en face de lui puis s'ajuster. C'est bien beau avoir un plan de match, de début de match, puis de penser qu'on va suivre le plan de match, mais s'il se met à vanter, s'il se met à pleuvoir, si un joueur qui est blessé, tu dois constamment ajuster ton plan de match. Puis là, je pense que c'est le temps de le faire. Comme bon coach, je pense que on est rendu là. Si on veut agir en bon coach, en bon gérant du match, à un moment donné, il faut que tu t'ajustes à la game que tu as devant toi. Puis je pense que c'est sûrement ce qui va arriver là, dans les prochaines semaines. Le capital, ça dit quoi là-dessus? Là? Est-ce que c'est sûr qu'on avait une Ligue Frontier, on s'en allait dans une nouvelle Ligue, il y avait beaucoup, beaucoup d'enthousiasme face à la prochaine saison. J'imagine que là, c'est quoi au moment où on se parle? Là? Ben, en fait, c'est un peu le néant. Ouais. La beauté de notre ligue, là, il y a quelques points qui sont vraiment intéressants. Pour commencer, les propriétaires de chacune des équipes aux États-Unis, puis on couvre 6 ou 7 États, là, que ce soit l'Indianapolis, le Kentucky, l'Illinois, l'Ohio, l'État du New Jersey, New York, puis tout ça, la Pennsylvanie. Et chacun, selon le gouverneur de leur État, ont des possibilités de déconfinement, c'est plus limité dans un état que ça peut l'être dans l'autre. Donc, il faut vraiment être capable de trouver une solution à tout ça. À tous les mercredis matin, on a notre réunion de propriétaires et on regarde. Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart possèdent, on construit un parc de baseball dans leur ville, dans leur état. Ils ont d'autres business que ça. Et ce qu'ils veulent s'assurer d'offrir aux gens, c'est le passe-temps national, hein, le baseball aux États-Unis. Et quitte à y aller avec confinement, offrir aux spectateurs quelque chose à se mettre sous la dent cet été. C'est ce que chacun souhaite. Même s'il y avait une perte d'argent, une perte financière au niveau de chacune des équipes, ils sont prêts à le faire. Donc, c'est un geste qui est très, très beau. On pense la même affaire ici à Québec. On a fait des tests dans les estrades, à savoir si on faisait des blocus de 5, de 4, de 3, de 2, avec distanciation, on arriverait à quoi? On arrive à peu près à 900-950 sièges de disponibles pour diffuser un match qui serait possible de faire. Vous allez monter vos billets tant qu'à ça? Oui, on montrait le prix de nos billets légèrement, mais pas de façon excessive. Puis ça serait pour les concessions, ça serait livré au siège. Donc un peu le système GoStand qu'on avait à l'époque. Donc par Internet, tu fais livrer tes choses. Et tout ça est possible d'être fait. Mettons, maintenant, est-ce qu'on est capable de traverser, là on est dans 6 semaines d'ici, on commencerait la saison autour du 1er juillet, est-ce qu'on arriverait à traverser les joueurs sans qu'ils passent en quarantaine à chaque fois? Donc, c'est toutes des règles qu'on ne sait pas s'ils vont tenir encore rendu le 1er juillet, rendu le 5 juillet, puis tout ça. Donc, c'est sûr que ce genre de choses-là, on ne le contrôle pas. Donc, moi, je pense que le baseball va reprendre de la Ligue Frontier. Maintenant, est-ce que les équipes du Canada seront exclues parce que nos règles vont être plus sévères? C'est dans les possibilités. Mais je sais qu'à quelques équipes vont probablement reprendre aux États-Unis. Ce ne sont pas les 14 équipes qui vont probablement jouer. D'ailleurs, on a laissé la liberté aux équipes de choisir s'ils décidaient passer pour cette année puis revenir l'an prochain. Mais je pense qu'avant le 1er juin, il n'y a personne qui va se désister, il n'y a personne qui va se compromettre parce qu'on est capable en un mois de préparer une saison puis de commencer le 2 juillet. Ça donnera un calendrier d'à peu près 70-75 matchs. Okay. Mais je veux dire, il me semble que ça ferait du bien aux gens. C'est le signal qu'on a des gens dans la population. On reçoit énormément d'emails puis de demandes de dire « Écoutez, vous allez nous présenter une saison ». Mais encore une fois, c'est pas le manque de volonté de la part des capitales, de la part des Aigles de Trois-Rivières. Je pense que c'est plus la difficulté devant les règles. Est-ce que vous négociez avec le gouvernement? Est-ce que le gouvernement, parce qu'on entend parler souvent que Isabelle Charest, la semaine passée, qu'elle parlait aux Canadiens, qu'elle parlait à l'Impact. Est-ce que les capitales sont... T'as eu des discussions avec Isabelle Charest là-dessus? Non, pas vraiment. J'ai eu une petite discussion de 20 minutes il y a environ 2-3 semaines. Okay. Et encore une fois, je pense pas que la volonté du gouvernement, c'est de nous bloquer dans tout ça. On sent qu'ils comprennent la situation. Ils le souhaitent aussi. Au niveau municipal, c'est la même affaire. On nous dit, écoutez, si vous étiez capable de présenter de quoi qui suit les normes de la santé, ça serait tellement agréable, surtout dans le quartier qu'on a à Québec, puis recréer un peu de vie, puis tout ça. On a des feux d'artifice le vendredi soir. On a des événements. Ça crée de la vie dans un quartier, dans une ville. Au niveau du gouvernement, on est prudent parce que ça peut être mal vu par la population de parler de baseball ou de sport quand il y a des gens qui décèdent à tous les jours, alors que c'est pas ça du tout l'intention. Non, l'intention, c'est pas. C'est mon année, faut que tu vives aussi, là, t'as pas le choix, là. Non, puis l'intention, c'est ça. L'intention, c'est pas de dire aux gens, hey, mon baseball à moi est important, puis tout ça, c'est pas ça. C'est que le signal qu'on a de la population, c'est qu'ils vont avoir besoin un peu de divertissement, un peu de joie, un peu de bonheur dans leur vie. Ben oui. Et c'est le message qu'on aimerait passer, que présentement, si on n'a pas annoncé encore qu'il n'y avait pas à avoir de saison, c'est que s'il y a 5-10% des chances d'en avoir une, on va continuer jusqu'au bout. C'est ce qui est le plus difficile à faire, c'est un peu la goutte chinoise, dans le sens que les événements qui ont été cancellés, annulés il y a un mois et demi, je pense qu'il y a un deuil dans la semaine qui suit. Et après ça, ben les gens sont heureux puis ils passent à autre chose. Il n'y a rien de plus difficile que d'écouter les nouvelles d'une journée, les nouvelles de l'autre journée, puis que ça fait que ça monte et que ça descend au niveau de l'humeur. Mais en même temps, ça fait 21 ans qu'on est supporté par les gens. Et je pense que ça, l'affaire la plus honnête qu'il y a à faire, c'est de les regarder en disant, écoutez, on a tout fait pour essayer d'avoir une saison. Et c'est ce qu'on va faire jusqu'au début juin, d'essayer de le faire. Maintenant, on le fera jamais à l'encontre de la santé publique. On va suivre les règles. Quelqu'un de démocratique dans tout ça, puis c'est les gens qui prennent cette décision-là. Mais une chose est sûre, c'est que ce ne sera pas parce que les capitales n'ont pas tenté de présenter une saison. OK. Michel, 950 personnes, me semble que. Je me rappelle que quand vous avez tenu la Ligue Frontier, tu m'avais dit que les budgets vont augmenter à 950, puis l'année passée à 2000 billets, vous aviez de la misère à faire vos frais. Comment vous allez faire avec 950 personnes maximum, puis avec une augmentation des dépenses, faire vos frais? Vous allez perdre beaucoup d'argent, non? Oui, effectivement qu'on perdrait de l'argent dans tout ça. On en perd à pas présenter la saison. On peut en Comment vous perdriez si vous présenteriez, dépendamment, c'est sûr que si on réussit à mettre 950 personnes à tous les matchs, je pense que les pertes globales seraient peut-être autour de 200-250 000 $, ce qui est pas pire que de ne pas jouer du tout, honnêtement. Puis c'est toujours aussi de sécuriser sa position dans la Ligue. Vous avez peut-être déjà entendu parler là, dans les dernières semaines. Le baseball mineur aux États-Unis va libérer une soixantaine d'équipes. Oui. Et ça serait très, très, très probable que la Ligue Frontier se retrouve à 20, 22, 25 équipes en 2021-2022. Et on veut comme pas manquer le bateau. C'est sûr que d'exclure Trois-Rivières puis d'exclure Québec de la Ligue cette année parce qu'on peut pas y aller. Disons qu'on souhaite pas que cette Ligue-là dise ben finalement on n'a pas besoin de Trois-Rivières Québec les prochaines années. Et fonctionne par elle-même aux États-Unis. Donc, on veut être prudent dans tout ça. En tout cas, nous, on lui demande qu'il y a une volonté de notre part de faire partie de la Ligue. Mais on n'aimerait pas être exclu pour les prochaines années puis perdre le baseball qu'on a à Trois-Rivières et à Québec. Surtout qu'on a un développement avec Ottawa qui s'en vient pour l'an prochain et tout ça. Donc, Montréal, les rives sud de Montréal. C'est sûr que là. Ben, c'est intéressant tout ça. Et oui, il y a des ouvertures. Mais comme je dis, on veut pas perdre tout ce qu'on a construit non plus depuis 21 ans, puis perdre notre équipe à Québec. Il y a des réparations dans le stade. Il y a une lumière au bout du tunnel, quelque chose qu'on n'a pas eu pendant des années, où ce qu'on a même baissé à 4-5 équipes annuellement. Là, on tombe à 14 équipes. On voyage maintenant dans plus de places. C'est du baseball encore plus intéressant que ce qu'on avait avant. Donc, on veut quand même rester positionné pour faire partie de ce futur de ligue-là qui est vraiment, vraiment intéressant. Autant pour le baseball que pour la visibilité de Trois-Rivières, la visibilité de Québec, la visibilité d'Ottawa, où on se promène un peu partout aux États-Unis. Ben là, puis c'est une bonne nouvelle pour la Ligue, la réforme du baseball mineur. Pour le baseball indépendant, c'est une bonne nouvelle. Ah, vraiment. Vraiment, ouais. Il va y avoir des gros changements. C'est juste que la mauvaise nouvelle, ce serait qu'on puisse pas y participer. Ouais, ce serait très, très, très dommage. On travaille depuis des années sur ce projet-là. Personnellement, je suis sur le conseil exécutif de la Ligue, donc je fais partie de ces réunions-là, puis tout ça. Puis de manquer le bateau, ça serait triste. Ah, regarde, ça serait triste parce que, tu sais, 22 équipes, autant à 5 équipes, ça te faisait un peu pic-pic, Michel, qu'autant qu'à 22-23 équipes, ça serait l'idéal, là. C'est incroyable. Ben, juste à 14 ouais, cette année, là, on sentait, là, j'ai le calendrier devant moi présentement, c'était tellement, tellement intéressant. Je pense que si jamais on avait une saison à partir du 2 juillet, ça serait aussi très intéressant. On voit quand même, là, des équipes puis tout ça, mais on se croise les doigts, il y a encore un petit peu d'espoir. On va garder, puis on va voir comment ça bouge. Je pense que les deux prochaines semaines vont être vraiment importantes dans tout ce qui va bouger ou pas au Québec ou au Canada dans les prochaines. Michel Laplante, la prochaine un année. Grand plaisir, on va se reparler. Merci, à bientôt, bye bye.